Les guerres. Seules, entre tous les insectes, les fourmis ont des armées organisées et entreprennent des guerres offensives. Les termites entretiennent des soldats, mais ces soldats n'attaquent jamais. Ils sont exclusivement consacrés à la défense de la cité ou à la protection des ouvriers sans armes qui vont fourrager aux alentours de la forteresse. Chez les abeilles, l'agression proprement dite est également inconnue. Il est vrai parfois une ruche affaiblie ou désorganisée ou qui, à la suite d'une rupture de rayon ou de quelque catastrophe intérieure, laisse couler ou suinter son miel, éveille la cupidité des voisins et provoque le pillage. Il se produit alors des échauffourées plus ou moins violentes entre défenseurs et larrons, mais ce sont plutôt des bagarres accidentelles que de véritables batailles. Or, ces cas exceptionnels, le respect de la vie et de la propriété d'autrui est absolu dans le monde des abeilles. Il n'en va pas de même dans celui des fourmis. Les fourmis sont généralement pacifiques, elles évitent les violences inutiles. Mais la forme même de leur civilisation plus raffinée incite presque irrésistiblement les plus intelligentes d'entre elles à porter la guerre chez des races moins belliqueuses et plus accommodantes, dont l'association ou l'alliance leur est devenue à peu près indispensable. C'est en quoi elles se rapprochent étrangement des plus hautes civilisations humaines. Comme si la morale de cette terre, de la nature, de la providence ou de l'esprit de l'univers voulait, en attendant mieux, qu'il en soit ainsi. Du reste, leur polymorphisme physique et moral est infiniment plus étendu, plus varié que celui des termites, des abeilles et des humains. Des fourmis les plus primitives, les ponerines, qui descendent directement de la pré-fourmi inconnue des premiers âges géologiques et dont l'activité est encore individuelle, aux espèces les plus avancées, champignonistes, esclavagistes, fourmis à outils, des plus inoffensives, des plus pacifiques, qui ne se défendent jamais, Formigoxenus et Myrmecina, jusqu'aux plus vaillantes, Polyergus rufensens, Doryline et Citon, qui jamais ne fuient, on compte bien plus d'échelons, bien plus de transitions que de nos Polynésiens ou Fuégiens les plus abrutis aux grandes nations blanches qui guident l'homme sur cette terre. La forme, les couleurs et la taille diffèrent autant que l'intelligence et les mœurs. La Polyarchis appendiculata d'Australie, par exemple, dont le thorax est formé de deux écrous plats, surmonté d'un gros bouton de jais et terminé par une lourde ampoule d'ambre, mise à côté de l'Orectognathus sexpinosus d'Australie, qui a une tête de cheval sur un corselet laminé et épineux, dans lequel est insérée une longue tubulure filiforme qui finit en poire transparente, semblent aussi étrangers l'un à l'autre que l'hippopotame l'est à la sauterelle. Et la Tetramorium cuspitum, qui ose attaquer la Formica protensis, évoque une fouine aux prises avec un éléphant. Il est naturel que les armes soient aussi différentes que les corps. En fait, d'armes offensives, toutes les fourmis possèdent des mandibules, dont l'aspect, toujours assez monstrueux, est extrêmement varié. Elles forment des tenailles ou des cisailles, les unes courtes, trapues comme des daviers, les autres longues, comme des faucilles, parfois terminées par une pointe aiguë, qui perce d'un seul coup le crâne de l'adversaire. Il y en a dont le double tranchant dentelé permet de scier le cou, les pattes ou le thorax de l'ennemi. Il y en a enfin qui en possèdent deux paires imbriquées. Outre les mandibules, quelques espèces sont pourvues d'un aiguillon et d'un sac à venin comparable à celui des abeilles. Mais cette arme tend à s'atrophier. Elle est généralement remplacée par une poche anale, sorte de vaporisateur capable de projeter à une certaine distance une nuée de gouttelettes empoisonnées qui paralysent ou engluent l'antagoniste. Elle semble du reste répugner à l'emploi de cette arme dont elle n'use qu'en cas d'urgence et dans les grands combats. Soit qu'elle ne désire pas la mort de l'ennemi, soit qu'elle craigne les chocs en retour de cette artillerie portative, car souvent leur propre venin les empoisonne. Il est également naturel que les habitudes guerrières soient aussi diverses que les coups et les armes. Tous nos genres de guerres se retrouvent dans leur monde. Guerres ouvertes, attaques foudroyantes, levées en masse, guerres d'embuscade, de surprise, d'infiltration sournoise, guerres acharnées et exterminatrices, guerres incohérentes et molles, sièges et investissements aussi sagement ordonnés que les nôtres, défenses magnifiques, assauts furieux, sorties désespérées, retraites affolées ou stratégiques, parfois même, mais très rarement, échauffourées entre alliés, etc. Nous n'avons pas l'intention d'en recenser toutes les formes. La description trop détaillée en serait fastidieuse et appartient aux monographies techniques, où il est facile de les retrouver. Mais de cet inextricable fouillis se dégagent quelques lois générales qui donnent un caractère particulier à leurs hostilités. D'abord, au rebours de ce qu'affirme une légende aussi ancienne que celle de leur égoïsme, comme je l'ai déjà dit, la plupart des espèces sont résolument pacifiques, ce qui ne les empêche point, lorsqu'elles sont attaquées, de déployer pour la défense de la cité un courage presque toujours supérieur à celui de nos troupes les plus héroïques. Elles tiennent rarement compte du nombre ou de la taille des assaillants. D'ailleurs, devant leur attitude menaçante, l'agresseur renonce parfois à ses desseins ou, dès les premiers chocs qui lui semblent trop durs, prend la fuite sans vergogne. Si puissantes, si bien armées, si redoutables qu'elles soient, ces fourmis pacifiques respectent généralement le bien d'autrui, n'abusent pas de leur force, évitent toute occasion, toute cause de conflit, et ne s'occupent discrètement et exclusivement que des affaires de leur fourmilière. La Neomyrma rubida, par exemple, la plus terrible des fourmis d'Europe, pourvue d'un aiguillon mortel, n'attaque jamais d'autres colonies. Malheureusement pour la paix et le bonheur du monde myrmicéen, il existe, comme dans le monde humain, un certain nombre de races, généralement les plus riches et les plus fortes, qui n'ont pas les mêmes scrupules, et qui, sans faire de la guerre leur métier exclusif, trouvent tout naturel de s'emparer de ce qui ne leur appartient point, et surtout sous forme de razzia périodique, d'enlever avant sa naissance toute la jeunesse d'une cité voisine, afin de la réduire en esclavage. On constate à regret que ce sont les espèces les plus civilisées, les plus intelligentes, qui sont les moins honnêtes. Il faudrait ici, selon l'usage, reproduire le récit d'une de ces batailles entre fourmis, si consciencieusement observée et décrite par Huber. Une expédition de Sanguine ou d'Amazone, par exemple. Il est impossible de faire mieux. Malheureusement, elles sont assez longues, mais se tiennent si bien qu'on ne sait où pratiquer des coupures. Je renvoie donc au texte même qu'on va du reste, je crois, prochainement rééditer. Parmi ces fourmis belliqueuses, les sanguines ou Raptiformica sanguinea sont fort communes en Europe, où on les trouve généralement le long des haies exposées au midi. Wiemer, Wassmann, Wheeler et Forel les ont spécialement étudiées. Les sanguines entreprennent chaque année, durant la belle saison, deux ou trois razzias d'esclaves. Rien n'est stratégiquement mieux organisé, mieux combiné que ces expéditions. En voici une, observée par Forel, dont je me permets d'abréger le récit parfois trop détaillé et un peu diffus. Après avoir envoyé des éclaireurs reconnaître la fourmilière d'une autre espèce, dans le cas présent une fourmilière de Glébarias qu'il s'agit de piller, un beau matin, par petites troupes, elles se dirigent vers le nid convoité qu'elles encerclent peu à peu. Alertées, les assiégés s'affolent autour des portes qu'elles barricadent de leur mieux au moyen de petits grains de sable, qui pour elles représentent des moellons. Alors, sur un signal venu on ne sait d'où, car les ordres partent d'une source plus mystérieuse encore que dans la ruche ou dans la termitière, les assaillants se précipitent en masse. Les défenseurs tentent de résister, mais, débordés, bousculés, culbutés, désespérés, rentrent au nid pour en ressortir chargés de leurs nymphes qu'ils veulent sauver à tout prix, et dont le nombre est tel qu'elles changent un moment la couleur de la mêlée qui, de fauve qu'elle était, pavoisée d'avenir, devient blanche. Mais les agresseurs leur arrachent leurs trésors, provisoirement l'emmagasinent près des issues, laissent passer les mères fécondées et les ouvrières sans bagages, et, comme des douaniers inflexibles, forcent toutes celles qui portent des larves ou des nymphes à déposer leurs fardeaux. Ils ne font du reste aucun mal à qui ne résiste point ou ne se défend pas par le poison. Ayant rattrapé quelques glébarias qui avaient réussi à s'échapper et à dissimuler dans l'herbe un certain nombre de leurs enfants, ils s'emparent de ceux-ci et bientôt s'établit entre la cité mise à sac et la ville victorieuse où le butin vivant est transporté, un va-et-vient qui dure souvent deux ou trois jours, c'est-à-dire jusqu'à épuisement total de la fourmilière investie. Au contraire de ce qu'on serait porté à croire, il n'y a pas de massacre, et très peu de victimes restent sur le carreau. Les occupants sont simplement expulsés et émigrent pour ne plus revenir à leur nid qui, la translation des nymphes terminée, abandonnée par le conquérant, ne tarde pas à tomber en ruine. Selon le principe des fourmis, l'opération jugée nécessaire s'est accomplie en faisant à autrui le moins de mal possible. Au seuil de leur patrie nouvelle, les œufs, larves et nymphes des glébarias rasiés sont accueillis par des esclaves de leur propre race qui les soignent, les nourrissent, les élèvent, jusqu'au jour où ils seront à même de prendre service à leur tour dans la demeure de leur conquérant. C'est ainsi que se recrute la domesticité dans le monde des fourmis esclavagistes. Du reste, il n'est pas question d'esclavage proprement dit, et Huber, il y a plus d'un siècle, trouvait déjà le mot « déplacé ». C'est bien plutôt une adoption intéressée qui ne tarde pas à se transformer en une sorte de maternité nourricière. Mais au rebours de ce qui paraîtrait vraisemblable, ce sont les vaincus qui adoptent les vainqueurs, et ceux-ci deviennent les enfants des victimes de leur rapt, à tel point que dans certaines colonies trop civilisées, ils ne sont plus capables de se nourrir sans leur aide. Ces esclaves volontaires sont aussi libres que leurs ravisseurs, sortent du nid quand il leur plaît, vont et viennent où ils veulent, restent fidèles à leur maître jusqu'à la mort, et à l'occasion combattent à leur côté contre ceux de la souche dont ils sont issus. Cette occasion ne se présente pas dans la vie normale, les glébarias étant essentiellement pacifiques. Mais on peut assez facilement la faire naître en affrontant artificiellement deux colonies rivales. Il est probable que dans ces relations domestiques, les mystères de la régurgitation et les secrets de volupté de celui qui se donne doivent jouer un rôle prépondérant. Chez ces Raptiformica sanguinea, dont l'ère s'étend de la Scandinavie à l'Italie et de l'Angleterre au Japon, la servitude n'est pas toujours organisée de la même façon. Telle fourmilière, par exemple, a plus d'esclaves que de maîtres. Telle autre en a peu, telle autre n'en a pas, et des ouvrières singulièrement raptissées en tiennent lieu. Quelques-unes, enfin, en possèdent qui appartiennent à deux espèces, Glébarias et Rufibarbis, qui font bon ménage. Forel a même réussi à faire adopter et élever dans une fourmilière artificielle de sanguine 8 espèces différentes, à savoir des Serviformica glébarias, des Rufibarbis, des Cinereas, des Formica pratensis, Rufas, ex sectas, Presilabris et des Polyergus rufescens. Chacune de ces espèces manifestait son activité de façon différente. Les ex-sectas et glébarias étaient très travailleuses, les sanguines très habiles, les pratensis fort maladroites et les polyergus d'une incorrigible paresse. Les représentants d'autres races, jugées inadaptables et inutilisables, étaient immédiatement mis à mort. Chez certaines esclavagistes, l'entente entre maîtres et serviteurs est encore plus curieuse. Une fourmi observée par H. Cutter et qui porte le nom barbare de Strongylognathus alpini, dans ses expéditions contre le Tetramorium cespitum, envoie ses esclaves au combat, et sans prendre part à la mêlée, se contente de la surveiller et d'intimider l'adversaire par sa seule présence. D'autre part, héréditaires ennemis, le Tetramorium et le Strongylognathus, mis par l'homme dans des conditions anormales, ne s'attaquent plus et font même alliance. Tout ceci montre la remarquable souplesse, l'habileté à tirer parti des circonstances, la facilité d'adaptation, c'est-à-dire en un mot l'intelligence qui anime et conduit ce monde que nous commençons à peine d'étudier et auquel nous ne comprenons pas encore grand-chose. Notons en passant que dans tous les cas précédents, il s'agit de servitude inconsciente. Les Glébarias et les Rufibarbis, dont la conquête est du reste plus facile, sont esclaves à leur insu puisqu'ils ont été enlevés à l'état d'embryon et n'ont pas connu leur véritable patrie. Leur adaptation est donc assez naturelle. Seul, entre toutes les espèces raptiformes, le redoutable Strongionatus uberi capture et réduit en esclavage des adultes. Il ne semble pas que cette opération hasardeuse lui apporte de sérieux mécomptes, sinon il est probable qu'il y aurait depuis longtemps renoncé. Néanmoins, ces pratiques qu'on pourrait qualifier de suranimales ont parfois de singulières conséquences. Wassmann cite entre autres le cas où des sanguines, ayant enlevé les cocons d'une petite colonie de pratensis, après l'éclosion de ceux-ci, les jeunes pratensis, fourrageant aux alentours, retrouvèrent leur mère et la ramenèrent au nid de leur maître afin de remplacer la reine des sanguines qui venait de mourir. Si bien que la colonie primitive devint peu à peu une république de pratensis ou fourmis des prés. Une civilisation aussi raffinée, aussi compliquée, a nécessairement, comme la nôtre, des contre-coups inattendus. Mais le grand esclavagiste, c'est le Polyergus rufensens, la fourmi amazone ou légionnaire, comme l'appelle Huber. Elle est relativement assez rare. Pour les autres, l'esclavage est un luxe, pour elle, une nécessité vitale. Aussi la proportion est-elle renversée. On compte en général chez les sanguines une esclave pour 6 ou 7 maîtres, au lieu que chaque amazone a 6 ou 7 esclaves. L'évolution amorcée chez les sanguines est ici accomplie. À cause de ses mandibules en faucille, il naît, comme le soldat des termites, propre qu'à la guerre. Il lui est impossible de manger sans aide, il ne peut prendre sa nourriture qu'à la bouche de ses servantes. Il est, en outre, aussi incapable de soigner ses petits que de bâtir ou d'entretenir son nid. Au fond de sa tanière, ses heures vides se traînent dans une oisiveté hébétée qu'interrompent seul le polissage de son armure et les basses sollicitations dont il harcèle les esclaves afin d'en obtenir une gorgée de miel. Sans serviteurs, ces magnifiques guerriers cuirassés d'airain, ces superbes troupes de choc, ces vétérans des grandes guerres auxquels rien ne résiste, sont aussi impotents, aussi empotés, aussi désemparés qu'une chambrée d'enfants à la mamelle. Parmi ces désespérés qui mouraient de faim au milieu d'une ruche et sollicitent piteusement les uns des autres une régurgitation qu'ils ne peuvent s'accorder, introduisez, comme le firent Huber et Forel, une ouvrière de la race ancillaire, et tout est transformé. C'est la bonne ménagère dans un taudis de célibataires à l'agonie. Allant au plus pressé, elle commence par remplir son jabot, afin de donner à manger à ceux qui meurent de faim. Puis elle rassemble le couvain, lui prodigue les soins nécessaires, et enfin répare et nettoie le logis. En moins d'une heure, la petite servante au grand cœur a tout remis en ordre dans la malheureuse cité qui n'a d'autre gagne-pain que les armes. Organiquement, la guerre est donc l'unique métier de l'Amazone. C'est pour elle question de vie ou de mort. Il lui faut à tout prix recruter sans cesse des esclaves. Quel que soit le nombre et la taille de ses adversaires, elle attaque frénétiquement, ne recule jamais, ne vise qu'à la tête. Ses mœurs, exclusivement combatives, ont fixé son instinct et par conséquent sa tactique, qui n'a pas la souplesse ni l'intelligence de celle des sanguines. Elle n'a pas non plus la clémence et l'aménité de celle-ci qui répugnent à faire à l'ennemi une blessure mortelle que la victoire n'exige point. Pour arracher à la rufibarbis la proie qu'elle convoite, la sanguine la houspille. L'amazone lui coupe d'abord la tête qu'elle emporte attachée au cocon. Parfois, dans la mêlée, elles sont prises d'une véritable frénésie sanguinaire et déchirent tout ce qui tombe sous leurs mandibules, larves, nymphes, morceaux de bois, leurs compagnons d'armes et aussi leurs esclaves qui tentent de les calmer. Mais ces soudats ont un courage sans égal, et 60 d'entre eux mettent en déroute une armée de sanguines, qui pourtant sont de grandes stratégistes, de redoutables pirates qui ne manquent pas de cœur. Du reste, comme déjà l'avait observé Huber, la tactique des assiégés n'est pas la même quand l'attaque est menée par les sanguines que lorsqu'elle est poussée par les amazones. Sa remarque s'applique surtout aux victimes, qu'il appelle « noirs cendrés », car à la fin du XVIIIe siècle, les fourmis ne sont pas encore affligées des noms barbarement scientifiques qu'elles portent aujourd'hui. On disait bonnement et familièrement les sanguines, les mineuses, les roussâtres, les amazones ou légionnaires, devenus des Polyergus rufescens, et les noirs cendrés qui sont les Formica fusca de la race des Glébarias actuelles. Quand donc il s'agit de sanguines, le premier mouvement des assiégés est de sauver les larves et les nymphes en les amoncelant à l'entrée du nid du côté opposé à l'attaque, afin de pouvoir les emporter plus aisément en cas de défaite. Après quoi, elles se lancent héroïquement dans la mêlée, défendent le terrain pied à pied, et si bien qu'assez souvent les assaillants finissent par céder en enlevant rapidement le butin conquis. Mais, quand sont signalées les Amazones, les noirs cendrés comprennent que tout est inutile, qu'elles ont affaire à un ennemi foudroyant et sans merci. Une consternation apathique se répand dans la garnison qui n'a plus d'autre espoir que l'assouvissement de l'agresseur. Forel estime qu'une colonie de 1000 polyergus capture en moyenne chaque année 40 000 cocons de Fusca ou de Rufibarbis. Chose étrange qui les rapproche de certaines races humaines, il semble que leurs brutalités et leurs exigences, probablement stupides, lassent parfois la patience de leurs serfs. Forel, qui a tout vu, fut témoin d'une de ces révoltes d'esclaves. Les Spartacus du souterrain royaume saisissaient leurs maîtres par les pattes, les mordaient et les portaient loin du nid. Préservées par leur cuirasse de chitine, les Amazones subissaient assez tranquillement ces sévices et ne se rebiffaient que s'ils étaient poussés trop loin. Elles prenaient alors la tête de l'insurgé entre leurs terribles faucilles et d'un seul coup, s'il ne lâchait pas prise, la perforaient. Tout stupide qu'elle se montre dans le train de sa vie guerrière, l'Amazone a parfois des idées remarquables. On en a vu, par exemple, qui, se sentant à l'étroit dans leur demeure et rencontrant une fourmilière abandonnée, la jugèrent plus confortable que la leur, y transportèrent leurs esclaves et, après des allées et venues qui prirent plusieurs heures, s'y installèrent définitivement avec eux. L'Amérique et le Japon nourrissent des Amazones qui ont à peu près les mêmes mœurs que les nôtres et asservissent des races anciennes ancillaires qui portent d'autres noms. Il n'y a pas d'intérêt à les énumérer. Entre nous, le Polyergus brefficeps se distingue par une parfaite courtoisie. Il n'exerce jamais la moindre violence sur ceux dont il enlève les enfants. Après les raids esclavagistes, moins brutales et moins acharnées, se placent les guerres territoriales. La fourmi a aussi nettement que l'homme le sentiment de la propriété. Ce sentiment chez elle ne se borne pas au nid et à ce qu'il contient, mais s'étend aux alentours qu'elle hante, où elle fourrage, et surtout aux réserves où pâturent ses affis d'idées. Elle ne tolère pas que des émissaires d'une colonie voisine viennent marauder sur ses terres ou dérober une goutte de la mielée que secrètent les pucerons qu'elle élève, qu'elle parque, qu'elle stabule et qu'elle soigne. Nous trouvons ici les mêmes antinomies que chez l'homme. Nous n'admettons pas qu'on s'empare de ce qui nous appartient, mais nous nous emparons assez volontiers de ce qui appartient à autrui. De là des conflits, du reste moins fréquents, moins sournois et moins compliqués que chez nous. Nous y reviendrons dans le chapitre consacré au bétail aphidien. Une guerre plus spéciale, puisqu'elle n'intéresse que les espèces tropicales, est la guerre contre les termites. C'est une guerre purement alimentaire, ou plutôt une chasse. Le malheureux et d'ailleurs redoutable et ingénieux termite est la proie providentielle, la victime née de la fourmi qui, dans certaines régions, passe une partie de son existence à guetter l'occasion de s'introduire dans la termitière. Cette occasion, grâce aux précautions prises et à la vigilance des défenseurs, s'offre très rarement. Je renvoie à ceux qui voudraient des détails sur ces conflits à l'excellent opuscule que leur a consacré M. A. Bunion sous ce titre « La guerre des fourmis et des termites ». Une guerre dans le monde des fourmis comme dans le nôtre ne se termine pas nécessairement par l'extermination ou la fuite des vaincus. Elles connaissent aussi bien que nous les bienfaits des armistices, de la paix et les avantages des alliances. La plupart des réactions observées sur ce point ont été artificiellement provoquées parce que dans la nature, elles doivent être assez rares ou se passer loin de nos yeux. Il n'en est pas moins certain qu'elles montrent une fois de plus que l'intelligence myrmicéenne s'apparente de bien près à celle de l'homme. Les fourmis d'une même espèce, mais provenant de deux nids différents, si on les verse pêle-mêle dans la même fourmilière artificielle, s'attaquent d'abord avec fureur. Mais bientôt, reconnaissant sans doute l'inutilité et l'imbécilité d'une lutte fratricide, leur effervescence s'apaise. Les mandibules se desserrent, les corps à corps se dénouent, une sorte de paix diffuse se répand qui se transforme en alliance que rien ne pourra plus ébranler. Et toutes, comme si elles appartenaient à la même famille, se mettent courageusement au travail dans le domicile qu'on leur a imposé. Quand il s'agit d'espèces différentes, la paix est plus longue à s'établir. Il est facile de s'en convaincre en reprenant l'expérience de Forel et en mettant par exemple dans le même sac une colonie de sanguines et de pratensis. Après les avoir secoués, afin de les bien mélanger, on abouche le sac à une fourmilière artificielle. Il y a d'abord un grand désarroi. Puis la bataille s'engage, qui dure jusqu'au soir, perdant peu à peu de sa virulence, pour dégénérer en inoffensives bousculades et en menaces sans conviction. Quelques sanguines et un certain nombre de pratensis y perdent d'ordinaire la vie. Il est même assez étonnant que les pertes des sanguines ne l'emportent jamais sur celles de leurs adversaires, car les pratensis ont à leur disposition un venin redoutable, mais il est évident qu'elles répugnent à s'en servir. Deux ou trois jours plus tard, la paix est définitivement conclue et les ennemis d'hier s'entraident au transport des larves et des nymphes et fraternellement travaillent à l'amélioration et à l'emménagement de leur nouvelle résidence. Cette fraternité devient telle qu'elle a une influence sur l'architecture, car nous avons vu que chaque espèce de fourmi a son style, c'est-à-dire sa façon à elle de choisir, de triturer et d'agencer les matériaux du logis qu'elle édifie. C'est pourquoi, bien entendu, dans la nature, et non point dans une fourmilière artificielle, le dôme d'un nid mixte n'est pas exactement semblable à celui d'un nid de sanguine ou de pratensis à l'état pur. Cette influence des alliés, des auxiliaires ou des esclaves ne s'arrête pas à l'architecture, mais s'étend même au caractère et modifie plus ou moins la psychologie et la morale de la fourmilière. Par exemple, comme le fait remarquer Ernest André, les Amazones, servies par la timide Formica fusca, acquièrent plus de douceur, de réserve et de lenteur dans leurs mouvements, au lieu que les Ruffibarbis, vives et décidées, communiquent à leur seigneur une plus grande activité. À ces fourmis belliqueuses, il convient dans un dernier paragraphe de joindre les grandes et redoutables fourmis visiteuses ou chasseresses de l'Afrique du Sud, de la Guyane, du Mexique et du Brésil, les Dorylini, les Escitini et les Leptanili. Elles ne font pas la guerre à proprement parler parce que rien ne leur résiste et qu'elles ne rencontrent jamais, pas plus que la tornade ou le typhon, un adversaire qui ose leur barrer la route. Les Dorylini nomades d'Afrique, assez récemment observées par J. Vossler, sont comme les Escitini ou Escitons amatum, étudiés par Etchako, par W. Müller, Batz, Belt, Barr, etc., d'énormes fourmis aveugles, exclusivement carnivores, n'ayant d'autre industrie que le massacre et le pillage, ne fondant pas de ville, mais jalonnant leur route de camp ou plutôt de bivouac, forcément nomades parce qu'elles dévastent rapidement et complètement les lieux où elles s'arrêtent. Elles organisent militairement, méthodiquement, leurs expéditions des prédatrices. Elles se font précéder de quelques éclaireurs. Mais bientôt, impatientes de pillage et de carnage, surgissent à flot de toutes les crevasses et inondent la plaine ou la jungle. Marchant au pas de charge, elles serrent leur rang entre deux haies d'officiers à grosse tête et à mandibules crochues qui les protègent, les dirigent, les surveillent et à la moindre alerte, fonce sur l'ennemi. Afin que rien ne leur échappe, elles envoient à droite et à gauche des détachements de fourrageurs. Les mouvements de ces masses qui représentent dans le monde des insectes le cataclysme que serait dans le monde des quadrupèdes sans défense le déchaînement d'une horde de plus de 2 millions de loups, car c'est à ce chiffre que s'élèvent les estimations les plus modérées, sèment partout une panique indicible que précèdent souvent des vols d'oiseaux. Tout ce qui n'a pu fuir est instantanément massacré. La proie trop lourde est dépecée sur place et les morceaux sont portés à l'entrepôt général. S'il y a sur leur route un poulailler ou de petits mammifères, elles n'en laissent que les os. À Tonga, un léopard en cage est tué et décharné en une nuit. Autrefois, on leur livrait, préalablement ligotés, les prisonniers de guerre qu'on ne jugeait pas comestibles. Et en quelques heures, elles en faisaient une pièce ostéologique digne de nos musées, car n'y voyant pas, elles attaquent l'homme comme elles attaquent n'importe quoi. Si l'on tient à rester chez soi, ou s'il s'agit d'un malade qu'on ne peut transporter, on plonge les pieds du lit dans des vases pleins de vinaigre, et on s'assure qu'il n'y a pas de crevasse au plafond, sinon elles vous tombent dessus. mais on leur cède presque toujours la place, car leurs mandibules, même détachées du corps, ne lâchent point prise, et les indigènes les utilisent en guise de serfines pour suturer les plaies dont elles maintiennent les lèvres en contact jusqu'à la guérison. Après le passage des Dorylines, comme après le passage de leurs sœurs américaines les Escitons, on ne trouve plus un être vivant. Quand elles prennent d'assaut un village, elles y dévorent tout ce qui remue, mais en revanche l'assainissent à fond, il n'y reste plus trace de vermine, et les habitants qui d'abord avaient déguerpi finissent par reconnaître que leur malheur a des compensations qui ne sont pas négligeables. Certains de ces raids, quand le pays est totalement épuisé, sont plutôt des migrations. Ici encore, les Dorylines ont les mêmes habitudes que les Escitons. Elles emportent leurs œufs, leurs larves et leurs nymphes, qu'à l'étape elles mettent à l'abri dans des nids provisoires. Mais les larves des Dorylines, étant plus sensibles au soleil, elles les font passer par des chemins couverts ou bien à l'ombre des soldats dont les têtes rapprochées forment de véritables tunnels. Un nid provisoire d'Escitons découvert par Barre, près de Cayenne, mesurait 1 mètre cube et contenait des centaines de milliers d'ouvrières dont les corps entrelacés formaient d'énormes boules qui entretenaient autour des cocons la chaleur nécessaire. Cette mise en boule autour du couvain est du reste pratiquée par les unes et les autres en cas de pluie diluvienne, d'inondation subite ou lorsqu'il s'agit du passage désespéré d'un cours d'eau. Est-ce un simple réflexe ou un acte héroïque et réfléchi déclenché par de suprêmes détresses? L'accumulation des cocons au centre de la masse n'est pas facilement imputable au hasard.